Bonjour, ici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins du Domaine du Roy. Le personnel et les dirigeants de la Caisse sont honorés de supporter nos athlètes locales Cassandra Bradette et Marianne Saint-Gelais aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. Suivez leurs exploits ainsi que ceux de tous nos Canadiens du 9 au 25 février 2018. Cassandra et Marianne, deux grandes fiertés, des exemples de détermination pour notre collectivité et une preuve tangible qu'il est permis de rêver. Desjardins, partenaire incontournable de tous vos projets. Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Je vous en ai parlé un petit peu la semaine passée. Ça travaille fort, semble-t-il, pour amener du hockey étudiant à Robertval et Saint-Félicien pour la prochaine année. Et pas mal la meilleure personne à qui pour répondre à cette question-là, c'est Éric Benoît, qui est le directeur général du regroupement RSEQ et Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va savoir un peu à quoi s'attendre de ça. On lui passe. Salut, Éric. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Éric, effectivement, j'ai entendu parler à travers les branches que ça travaillait fort du côté de Robertval et de Saint-Félicien pour amener une équipe du hockey scolaire dans le secteur. Est-ce que tu me confirmes l'information? Oui, tout à fait. La cité étudiante a déposé récemment une demande pour adhérer à la Ligue de hockey Division 1 Benjamin. OK. Donc, les gens de Robertval travaillent très fort présentement pour la mise en place d'une équipe secondaire 1 et 2. OK. Donc, ça jouerait dans quel domaine? Ça jouerait... est-ce que ça jouerait dans une ligue provinciale, une ligue régionale? C'est quoi, en fait? Dans le fond, la Ligue Division 1 est une ligue provinciale qui joue partout au Québec. OK. La mise en place, c'est une toute nouvelle ligue qui a été annoncée en décembre dernier, dont le réseau du sport étudiant, après discussion avec Hockey Québec, là, met en place une ligue de hockey Division 1. On avait l'offre de service pour la catégorie cadette et la catégorie juvénile, mais rien n'est en place du côté Benjamin. Et la décision s'est prise là et l'offre a été faite à toutes les écoles du Québec en décembre dernier. Ça, c'est-tu la même ligue que Mathieu Darche? Non. Non? OK. Non, okay. C'est pas la même ligue. OK, OK. Donc, il y a combien d'équipes dans cette ligue-là? Présentement, les demandes sur la table, il y a 35 programmes de mémoire qui ont fait une demande. Okay. Le comité d'évaluation n'a pas eu lieu encore, donc l'ensemble des équipes ont déposé leur cahier de charge pour adhérer à la Ligue pour la saison 2018. Mmh. Je sais que le comité se réunit dans la semaine du 19 février prochain et que les réponses par la suite vont être fournis aux institutions au début du mois de mars. Donc, au début du mois de mars, on sera fixé si la cité de Robertval va intégrer la Ligue de hockey Division 1 en Benjamin. 35 demandes, ça veut dire 35 demandes d'expansion pour une ligue de... Oui, tu as dit que c'est une ligue d'expansion, une nouvelle ligue, donc... Non, je pense que c'est plus que ça. Présentement, en cadet, il y a 30 équipes, et en juvénile aussi, qui sont constituées dans trois sections. Donc, l'Ouest, le Central et l'Est. Présentement, là, dans notre région, on a les Lynx du pavillon Wilbrod-Dufour et les Mustangs de l'Odyssée Dominique Racine qui jouent dans la Ligue cadette et juvénile. Dans la Ligue Benjamin, on sera là... la composition des équipes, début du mois de mars. OK, OK. Est-ce que tu penses qu'on a des bonnes chances? Oui. Je crois que oui. Si on a déjà deux équipes au niveau cadet juvénile, pour avoir une continuité, je crois que oui. Il pourrait y avoir l'expansion là, du Benjamin. En tout cas, il y a certainement un besoin dans la région. Là, si la cité étudiante de Robertval a fait la demande, c'est qu'ils ont pris le temps d'évaluer la situation dans le haut du lac. Est-ce que vous travaillez avec les hockey mineurs? Parce que là, ce qui va arriver, c'est que probablement que probablement qu'il va arriver, il va y avoir une perte de joueurs au niveau civil, ça va s'en aller là. Moi, je pense que l'avenir passe évidemment par le niveau scolaire. Mais est-ce que vous travaillez main dans la main avec les différents hockey mineurs? Présentement, ben, les écoles travaillent avec les hockey mineurs, donc je sais que la cité étudiante a eu des rencontres avec le hockey mineur là, du Haut-du-Lac. Nous, comme réseau du sport étudiant Saguenay-Lac-Saint-Jean, on travaille en collaboration avec Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc c'est avec eux qu'on a des discussions et notre réseau travaille en collaboration avec Hockey Québec dans le développement du hockey et la place que le hockey scolaire peut avoir sur l'échiquier là, du hockey en général. Okay. Tu comprendras qu'au niveau régional, bon, on travaille avec les paliers, là, les mêmes instances sur les mêmes paliers. On est une organisation qui travaille au niveau régional, donc on travaille avec Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean dans ce dossier-là. OK, OK. Donc, dis-moi, le projet est monté. On a entendu parler de Saint-Félicien également. Est-ce que ça, c'est vrai? Ce serait en division 2. Est-ce que des informations que j'ai, ce serait en division 2 pour Saint-Félicien? Présentement, il n'y a pas eu de dépôt de candidature de la part de Saint-Félicien à hockey. Okay. Saint-Félicien joue toujours avec nous dans notre ligue régionale de division 3. On a une ligue, nous, où les joueurs proviennent autant du réseau scolaire que du réseau civil. On a toujours été complémentaires au hockey civil dans ce dossier-là. On va l'être encore pour la prochaine saison. Donc, notre objectif à nous, c'est d'offrir une offre de services complémentaires. On joue sur des journées pédagogiques, ce qui permet aux jeunes qui pratiquent le hockey civil ben, de pouvoir jouer avec son école. Et là, on vient pas interférer dans l'offre de services du hockey mineur dans ce dossier-là. Et on permet aux jeunes de l'école qui ne veut pas jouer au hockey civil parce qu'il n'y a pas l'intérêt, mais qui aimerait essayer le hockey, de pouvoir intégrer une ligue qui joue 5 tournois dans la saison, donc qui n'est pas une offre de service là à toutes les fins de semaine, et qui joue sur les journées pédagogiques, donc qui facilite le travail de tout le monde. OK, OK. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Évidemment, c'est l'avenir. On ne se cache pas, c'est l'avenir du hockey scolaire. Moi, je pense qu'avec le manque de bénévoles, ça fait en sorte, évidemment, que probablement qu'on va se diriger vers ça. Hein? Ben, écoutez, il y a des besoins qui sont exprimés, autant chez nous qu'ailleurs au Québec, pour l'arrivée massive du hockey scolaire. Par contre, je pense qu'il faut le faire en collaboration avec les instances qui sont en place. L'objectif n'est pas de détruire une ligue pour en créer une nouvelle, mais plutôt de répondre à un besoin. Puis d'essayer d'y répondre du mieux possible, tout en collaborant avec les gens qui sont sur le terrain. OK. Hey, puisque je t'ai été responsable du sport étudiant au Saint-Lac-Saint-Jean, comment ça va, le sport étudiant au Saint-Lac-Saint-Jean? Ça va bien. Oui, ça va bien. On fait face à des gros défis, mais présentement, on a une stabilité en termes d'équipe dans notre réseau, tout sport confondu. Il y a des grands défis qui s'en viennent devant nous. L'arrivée de ces ligues division 1, là, provinciales, fait poser beaucoup de questions aux institutions de notre région, autant au hockey que dans d'autres sports. Mais on travaille fort, on lâche pas. Bon, ben c'est bien beau. Ben Éric Benoît, gros merci, c'est fort agréable, puis on va suivre ça de près. Donc c'est quand même d'exclusivité fort intéressante, pas ça repart. Merci. Éric Benoît du regroupement RSEQ Saint-Lac-Saint-Jean.